Satan, moi avec mes copines, on était concubines. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu combines? Tu sais, la vie est tellement triste, on attend l'antéchrist. Mais on a l'impression que tu t'ébines, je mange du jambon. Je mets des culottes à fente, je dis des gros mots vraiment très vulgaires. Quand je suis énervée, une fois je me suis bourrée à la bière et je suis tombée. Si je veux, je peux être une vraie panthère. J'irai même jusqu'à griffer quand mon vernis aura séché. Moi je veux être la maman du fils de quoi faire, c'est vrai qu'il est vraiment très séduisant. Ton meilleur copain, il m'a fait des cadeaux éblouissants. Et toi, tu fous rien, il m'a fait des compliments insensés. Qu'attends-tu pour te réveiller? Je ne sais plus sur quel pied danser. Attends, j'ai déjà fait la paresse, l'envie et la colère. Je n'ai que ça à faire, à elle m'a proposé une partout dans la galaxie. Les scientologues m'ont envoyé Tom Cruise, mais il est trop petit, peau douce et plein de grands blagues baraqués. Mais faut y